peu comme Ido. Très pirate, je connais ghetto, les yeux bandés. Vers la nuit, y'a des gobelets, puis du rhum donné. La patate, le poteau, il me dépanne du compteur. Bienvenue dans le barrio, police en randonnée. Cette nana, elle me dit que je manque de bonté. Je lui réponds, je suis au boulot pour des sommes violettes. Myanmar, sois pas dégoûté. Se bosser à la gare le soir, je vois des mômes voler. Pirate, nous deux, c'est la paire. Attends, faut pas que je la perde à tout. Poto, je vais me la faire. C'est de tenter. Je respire, j'ai pas de batterie dans mon pantel. Est-ce un alcool, tu sais que j'ai l'esprit détendu. Elle me dit t'es mignon mais con putain c'est quoi le del. On lève le scout en l'air, j'ai le frein, je suis en détente. Je croise maman sans casque, elle me dit que je manque pas de tenue. Myanmar, sois pas dégoûté. Tu perds ton iPhone à la gare, il fallait bien le tenir. Pirate, nous deux c'est la paire. Attends, faut pas que je la perde à tout. Poto, je vais me la faire.